Chapitre 15. Le lendemain, dans la matinée, le valet de chambre de M. de Rias remettait en main propre à M. de Quéverne ce billet. « J'étais cette nuit dans le parc. Je vous serai reconnaissant de vouloir bien attendre demain, à 9 heures du matin, deux de mes amis, Lionel de Rias. » Aussitôt après avoir expédié ce message, Lionel partit pour Paris. À peine arrivé, il alla trouver un de ses parents, M. Desblis, qui avait une compétence spéciale dans les affaires d'honneur. Il lui dit qu'il avait eu depuis son retour plusieurs discussions avec son voisin de campagne, M. de Quéverne, à propos de la limite de leur propriété et de leurs droits de chasse réciproques, que ces discussions avaient abouti à une querelle sérieuse qui paraissait devoir se dénouer par les armes. Il le priait d'être un de ses témoins. M. Desblis espéra qu'un si léger dissentiment se terminerait à l'amiable. Il promit d'ailleurs de prendre le lendemain le premier train pour Fresnes afin d'y être à 8 heures du matin. M. de Rias se rendit ensuite chez le duc d'Estrigny, mais le duc était au cercle. Il alla l'y chercher. Comme il pénétrait dans un des salons où un groupe de jeunes gens entourait une table de whist, le hasard voulut qu'un des joueurs prononçât le nom de M. de Quéverne. Le silence subit et forcé qui s'établit dès qu'on aperçut M. de Rias lui fut une preuve amère que sa mésaventure conjugale occupait le public. Le duc d'Estrigny reçut d'un air grave la communication de Lionel. Il écouta sans commentaire l'explication peu vraisemblable qu'il lui donnait sur l'origine de sa querelle et se mit, comme M. Desblis, à sa disposition. En rentrant à Fresnes, le soir vers 10 heures, M. de Rias trouva dans le salon Mme Fitzgerald seule et fort triste. Elle lui dit que sa fille avait été souffrante tout le jour et qu'elle s'était sentie si mal après le dîner qu'elle s'était mise au lit en priant qu'on la laissât reposer. Lionel, après quelques questions d'une sollicitude affectée, prétexta lui-même un peu de fatigue et monta chez lui. Vers minuit, comme il était assis devant son bureau, achevant d'écrire quelques dispositions, la porte de sa chambre s'ouvrit doucement. Il se retourna. Madame de Rias était devant lui, pâle comme une morte. Il fixa sur elle un regard d'une sévérité glaciale. « Que me voulez-vous ? » lui dit-il. « Je veux vous parler. » murmura-t-elle d'une voix oppressée et à peine distincte. « Parlez. » « Lionel, je suis déjà à moitié folle, » reprit-elle avec une expression de douleur navrante. « Je vous en prie, ménagez-moi, ne m'achevez pas. » « Qu'est-ce que cela veut dire, ma chère ?» Louise est venue tantôt. Elle avait des soupçons depuis ce matin. Elle a saisi une minute où son frère était absent. Elle a vu votre lettre. Nous savons tout. « Et que savez-vous ? » « Je sais que vous vous battez demain avec M. de Quéverne. » M. de Rias se leva et debout en face d'elle. « Écoutez, Marie, » dit-il froidement. « Je regrette beaucoup que ce détail soit venu à votre connaissance. Mais vous conviendrez que ce n'est pas ma faute. Maintenant, que venez-vous faire ici ? Vous perdez votre temps. Vous devez comprendre que vos dénégations et vos supplications seraient, à l'heure qu'il est, complètement inutiles. Votre accueil et votre contenance, depuis mon retour, me laissaient peu de doute sur le caractère de vos relations avec M. de Quéverne. La nuit dernière, je vous ai suivi. J'ai vu ce qui s'est passé entre vous. Je suis donc édifié. Et rien au monde, vous pouvez en être certaine, ne m'empêchera de sauver de mon honneur ce qui peut encore en être sauvé. « Allons, retirez-vous. » Elle se laissa tomber sur une chaise et se tordant les mains, les yeux fixés dans le vide. « Mon Dieu, » dit-elle, « oh mon Dieu !»« Je vous en prie, laissez-moi, » reprit durement M. de Rias. Elle se releva et fit quelques pas vers la porte, puis, revenant à lui tout à coup et se jetant à genoux sur le parquet, « Eh bien, » s'écria-t-elle, « tuez-moi. »« Ce sera juste, mais moi seul. » Et sa voix se perdit dans une explosion de sanglots. Comment ne sentez-vous pas, répliqua violemment Lionel, que chacune de vos paroles est une offense de plus? Non, oh non, je vous jure, c'est que vous ne me comprenez pas. Laissez-moi tout vous dire, je vous en supplie. Ah, vous allez bien voir que je vous dis la vérité. Oui, je suis coupable. Oui, j'aime M. de Quéverne. Oui, s'il l'eût voulu, je le crois. C'est possible. Mon affection, ma faiblesse, ne lui aurait rien refusé. Vous voyez que je ne m'épargne pas. Mais il ne l'a pas voulu. Grand Dieu, il ne l'a pas voulu. C'est lui qui m'a préservé, et vous voulez le tuer, mais c'est impossible. Ce serait une action odieuse, abominable, je vous en prie. Je vous en prie, ne la commettez pas. Allons, vous l'aimez bien, en effet, dit M. de Rias en se rasseyant brusquement. Oui, je l'aime, poursuivit-elle toujours agenouillée et comme affaissée sur elle-même. Je l'aime parce qu'il m'a sauvé non seulement de lui-même, mais des autres. Tenez, il y a quelques mois, à Trouville, après cette scène, si méritée peut-être, mais si dure, si blessante que vous m'aviez faite, abandonnée comme je l'étais, ulcérée, désespérée, j'allais me perdre. Il y avait alors un homme qui me poursuivait de son amour, que je croyais aimé, qui, vous pouvez le soupçonner, eh bien, faut-il tout vous dire, je l'attendais, cet homme, dans la nuit qui suivit votre départ. Ce fut un mot, un seul mot de M. de Quéverne, qui me rendit à la raison, au devoir, à l'honneur, et vous voulez le tuer. Mais, depuis, je l'ai aimé, et peut-être mon amour a-t-il été partagé, soit, mais cet amour est resté dans nos cœurs, il n'a jamais été criminel, jamais. Vous nous avez vus tous deux la nuit dernière, hélas, vous m'avez vu dans ses bras, et, je le sens bien, vous avez dû croire, vous devez croire encore, mon Dieu, que vous avez une offense mortelle à venger. Et cependant cela n'est pas cet instant d'abandon, de faiblesse, c'était le premier, c'était le dernier entre nous, c'était l'adieu d'un ami, d'un frère, que je ne devais plus revoir. Rien de plus, en vérité. Depuis votre retour, nous étions, lui, sa sœur et moi, dans de cruels combats. Elle voulait qu'il partît. Lui, il hésitait, craignant que ce brusque départ n'éveillât vos soupçons. Moi, je ne voulais pas, et puis, car enfin, j'ai encore un peu d'honnêteté. Cette existence de chaque jour entre vous et lui, cette duplicité, cette tromperie continuelle m'ont soulevé le cœur. J'ai fait mon sacrifice tout à coup hier soir. J'ai voulu le voir tout de suite pour en finir. Et c'est alors que je suis allé où vous m'avez suivi. Il devait partir aujourd'hui même et moi, je devais vous dire une partie de ce que je vous dis. Alors peut-être vous m'auriez cru, tandis que maintenant vous ne me croyez pas. Non, dit brièvement Monsieur de Rias. Il y eut un silence pendant lequel on n'entendit que les pleurs convulsifs de la jeune femme. « Et d'ailleurs, » reprit tout à coup Lionel, « car vous êtes vraiment étrange. N'y a-t-il pas, même dans ce que vous avouez, tout ce qu'il faut pour justifier la haine et le ressentiment implacable d'un homme ?»« Oui, sans doute, oui. Et pourtant, si vous étiez certain, Lionel, bien certain qu'il n'y a rien de plus que ce que je vous avoue, si vous étiez bien sûr que votre orgueil seul est blessé, non votre honneur, qu'il n'y a rien, vraiment rien, d'irréparable entre nous, n'auriez-vous pas pitié, sinon de moi, du moins de sa pauvre sœur, si innocente, si dévouée et si malheureuse? Voudriez-vous la tuer elle-même ou la rendre folle? Ma pauvre Louise, qui m'a tant aimée, et voilà sa récompense. Ah, si vous aviez cette bonté, Lionel, si vous étiez assez généreux pour vaincre ce mouvement de votre fierté offensée, bien justement offensée, hélas! Ah! Tenez, je le sens, je vous le jure, il y aurait encore du bonheur pour nous. Oui, je serais si touchée, si reconnaissante, que vous pourriez tout attendre de mon cœur. Il a été tout à vous, il vous reviendrait. Ce n'est pas le moment, je le sais bien, de vous parler de vos torts, mais enfin, vous en avez eu quelques-uns, peut-être. Je les oublierai si bien, je serais si heureuse de les oublier, et de vous faire oublier les miens, si heureuse. Ah, je vous en prie, je vous en prie. Je vous aimerai comme le bon Dieu. » Elle se tut, étouffée par ses larmes, qui tombaient avec la même effusion que ses prières. Monsieur de Rias s'était levé visiblement en proie à la plus extrême émotion. Il marcha quelques minutes à grands pas, ses traits, affreusement altérés, le tremblement convulsif de ses lèvres, témoignaient de la lutte terrible qu'il soutenait. Tout à coup, il s'approcha de son bureau, prit une feuille de papier à lettres et y écrivit rapidement quelques mots, puis, s'approchant de sa femme éperdue et haletante à ses pieds, il lui remit tout ouvert le billet qu'il venait d'écrire. « Vous pouvez lire, » lui dit-il, « c'est pour Madame de Loris. » Elle repoussa d'une main ses cheveux dénoués, qui inondaient son visage, et lut le billet qui contenait cette ligne. « Veuillez dire à votre frère, madame, qu'il n'attend personne de ma part demain. » La jeune femme poussa un cri, se dressa subitement tout debout, et saisit avec exaltation les deux mains de son mari comme pour l'attirer sur son sein, puis, abaissant ses yeux noyés, « Je n'ose pas, » murmura-t-elle. « Non, rien maintenant, rien, je vous en prie, » dit M. de Rias d'une voix profondément troublée. « Remettons-nous tous deux, Allez, Marie, allez, reposez en paix. » Elle s'inclina, couvrit ses mains de baisers avec fièvre et sortit de la chambre.